Chapitre 6. Les frontaliers sont rudes, courageux, sauvages. Ils possèdent un code d'honneur aussi rigide que l'acier et leur loi exclut toute pitié. Ils demeurent les fidèles gardiens de l'Empire, car jamais aucun empereur n'a essayé d'influer sur leurs coutumes. Seigneur On Silpulim, discours aux aspirants de la Légion Noire. Et tu dis que j'avais les yeux jaunes? Parfaitement. Ma vieille, tu exagères. J'étais à quatre pattes en train de me disputer avec un loup gros comme une vache et j'avais les yeux jaunes. Comment veux-tu que je te croie? Arrête l'alcool. Camille et Salim étaient assis côte à côte à l'arrière du chariot, les jambes pendant dans le vide. Leur compagnon s'affairait à monter le camp et Camille était chargée d'expliquer à son ami les événements de la veille. Salim, espèce de mollusque, ce que je t'ai rapporté est vrai. Tu le sais, alors cesse ce jeu idiot. D'accord, d'accord, ne te fâche pas. Reconnais tout de même que ça fait un choc d'apprendre qu'on est quasiment devenu un loup-garou. Tu ne te souviens vraiment de rien? De rien. J'ai grimpé dans l'arbre et quelques secondes plus tard, je vous ai trouvé en train d'applaudir à l'arrivée des chevaux. Camille soupira. Je peux te certifier qu'entre-temps, outre ta transformation, tu as sacrément roupillé. C'est bon, j'admets. C'est dur, mais j'admets. J'aime autant. Salim se racla la gorge et reprit, d'une voix hésitante. Camille? Oui? On ne s'embrasse pas pour fêter nos retrouvailles? Désolée, j'aurais trop peur que les vapeurs d'alcool te gênent, rétorqua-t-elle d'un ton railleur. Et puis tu sais, les bisous-bisous avec les mollusques. Salim leva les yeux au ciel. Je disais ça pour rigoler. Eh ben rigole! Elle sauta à terre et se dirigea vers le fagot que Maniel venait de déposer au centre du camp. « Je peux ?» demanda-t-elle à Maître Douhom qui s'était lui aussi approché. « Je t'en prie, Willan. » Elle se glissa dans l'imagination et dessina une flamme. Elle fit ensuite basculer sa création dans la réalité. Le tas de branches s'embrasa instantanément. Elana, qui avait assisté à la scène, applaudit chaleureusement. « Joli travail. Moi qui n'ai aucun don, je suis toujours étonnée de voir quelqu'un dessiner. »« Je croyais que tout le monde savait créer une flamme ?» releva Camille. « En effet, » admit la jeune femme. « Mais pour la plupart des gens, c'est loin d'être aussi facile que pour toi. Personnellement, cela fait longtemps que j'ai décidé de me servir d'un briquet. » La marchombre désigna Salim, toujours assis à l'arrière du chariot. « Il a compris ce qui lui est arrivé ?» Je crois, même si j'ai dû un peu insister. Et là, que fit-il? Il boude? Non, il réfléchit, rectifia Camille. Le retour d'Elana et de Salim avait rendu son intégrité à la troupe. Bjorn et Salim avaient repris leur incessante chamaillerie que Maniel arbitrait avec humour. Maître Douhom, qui avait renoncé à son rôle de professeur, entretenait avec Camille de passionnantes discussions sur l'art du dessin, tandis qu'Edwin et Elana ne se quittaient plus. Le temps s'était adouci. Les incursions précoces de l'hiver n'étaient qu'un mauvais souvenir. Un automne radieux s'installait peu à peu. Un automne aussi radieux que le sourire de Salim lorsque ses yeux croisaient ceux de Camille.